désolée parce qu'avec si peu d'informations, ça m'est vraiment difficile. Je suis désolée. Enfin. Au revoir, à lundi. Oui, à lundi. Ça va vous espérer là. Oui, j'essayais de trouver une patiente. Elle n'a que le nom, pas de prénom, pas d'âge. Ah, c'est embêtant ça. Je m'appelle non seulement. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'enlever de CG?